Le 27 mars 1970, à 6h50 du matin, un train lourdement chargé de céréales aborde à une vitesse trop élevée à quelques kilomètres d'Akous, le pont de l'Estanguet situé à la sortie d'une courbe. Le train déraille, il n'y a aucun blessé, mais le pont est coupé et par la même occasion la ligne entre Pau et Canfranc. Cette ligne, inaugurée le 18 juillet 1928 en présence du président de la République Gaston Doumergue, du président du Conseil Louis Barthou et du roi d'Espagne Alphonse XIII, était une victoire technique, car entre les premières études qui débutèrent en 1863 et l'inauguration, 65 années s'écoulèrent pleines de péripéties. Cette réalisation, souhaitée depuis longtemps par la France et l'Espagne, fut interrompue une première fois par la guerre de 70. En 1885, une commission internationale en décidait la construction, mais ce n'est qu'en 1907 que la convention définitive fut approuvée. La guerre de 1914 vient perturber une nouvelle fois sans les interrompre les travaux gigantesques achevés en 1928. Et il a suffi d'un accident pour réduire tous ces efforts à néant. L'accident de 1970, l'accident du pont de l'Estoriette, c'est un train de maïs qui se casse la figure. Et vous avez du maïs tout autour du pont, ça fait jaune. Tous les gens du coin, il y avait encore des paysans, sont venus chercher le maïs. Anna, l'aubergiste de l'auberge de l'Estanguet, s'en souvient très bien. Elle a entendu un bruit épouvantable. Elle s'est dit, ça y est, il y a un accident ou il y a quelque chose. Elle a fait du café dans un thermos pour porter secours. Et elle voit arriver deux messieurs qui couraient le long de la voie. C'était les deux mécanos qui avaient laissé partir le train à la dérive. Alors, que s'était-il passé ? Un petit matin du mois de mars, vous voyez un peu le temps qu'il fait aujourd'hui, mais pareil, du givre sur les rails, pas assez de courant dans la caténaire, un train de maïs patine au niveau de cet aiguin. Il patine. Alors, que font les deux mécanos ? Ils actionnent les sablières, pas de sable dedans. Donc, premier travers, pas, au lieu de 1500 volts, on n'en avait que 900, paraît-il. Pas de sable dans les sablières. Ça, c'est une faute pour un cheminot. C'est des fautes. Et là, troisième faute, c'est deux mécanos qui, pour des raisons personnelles, syndicales et politiques, ne se parlaient pas, descendent chacun de la loco pour mettre, vous savez, des petits cailloux du ballast sous les roues. Mais logiquement, un aurait dû rester dedans. Mais ils ne se concertent pas parce que se faisait un peu la tête. Et ils étaient en train de mettre des cailloux quand ils voient le train qui repart. Pas le temps de remonter dans la loco. Et voilà le train qui est parti, waouh, directement vers le nord. Il passe, vous savez, à la tournée de l'Esquin, vous l'avez vu en même temps. Quelqu'un était là au passage à niveau, parce que le passage à niveau s'est baissé. Il voit passer un train à 140 à l'heure, waouh. Et il va pulvériser le pontage en fer de l'Estanguet, 300 mètres plus loin. C'est le bruit épouvantable qu'a entendu Anna, dont je vous ai parlé, l'aubergiste d'Estanguet. Elle s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? Et là, deux locomotives dans le Gave, les wagons disloqués, du maïs partout. Les truites ont dû être contentes. Et les gens du coin aussi, puisqu'ils ont ramassé le maïs. Finalement, l'accident du 27 mars 1970, qui détruit le viaduc de l'Estanguet, est assez providentiel pour la SNCF, qui n'attendait que ça pour fermer la ligne. Voilà. Dès qu'il y a l'accident, l'armée dépêche un train depuis le dépôt de matériel militaire qui est à côté de Toulouse pour venir installer un pont provisoire. Et sur ordre d'un des directeurs de la SNCF, ce train est arrêté en gare de Saint-Gaudens, sous de Montrégeau, c'est-à-dire en route. Et il repartira, mais... Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Et commence alors cette saga du Canfranc, de la réouverture du Canfranc. Donc, nous autres, gens du Créloc, nous sommes porteurs. Alain Cazenave-Piarot entend par là le comité pour la réouverture de la ligne Oloron-Canfranc, qu'il préside et dont le projet prend forme ces temps-ci. En tout cas, ses membres sont très confiants. Le tunnel ferroviaire, pendant que les trains n'y circulent pas, a été investi par l'Institut de physique des particules de Saragosse pour tenter, sous une bonne couche de roche, d'y observer les neutrinos qui passent par là. Les voyageurs, eux, pour se rendre de Bedouce à Canfranc, le tronçon manquant de la voie ferrée, utilisent des autocars de substitution, affrétés par la région Nouvelle-Aquitaine et longtemps pilotés par Jonathan Dias, explorateur de la gare de Canfranc. Jonathan Dias, on est à l'entrée du tunnel de Somport, côté espagnol, c'est-à-dire vraiment tout près de la gare de Canfranc. C'est une grande porte monumentale. Et puis bah, la place pour laisser passer le train, sauf qu'il n'y a plus de ballast ni de rail. Oui, et bien là on se trouve maintenant sur un tunnel qui effectivement a vu passer sûrement de nombreux trains. Et des trains électriques pour le côté français, parce que faut pas oublier que le côté français était électrifié et le côté espagnol ne l'était pas. Donc c'était la modernité qui arrivait dans un pays qui l'était moins. Et aujourd'hui, bien cette voie, bien elle sert d'accès de secours au tunnel routier qui a été construit en parallèle de celui-ci. Et donc ça servirait à d'éventuelles évacuations du tunnel routier s'il y avait un incendie ou une catastrophe, quoi, un petit peu comme celle du Mont-Blanc. Donc ils ont prévu pour ce tunnel cette voie de chemin de fer en secours. Donc il fait de lui le tunnel le plus sécurisé actuellement. On ne peut guère rentrer que sur 30 mètres, après il y a une grille. Voilà, oui. Et si vous remarquez, la grille, elle a quand même le gabarit d'un camion. Vous avez ici un équipement très spécial dans ce tunnel. Vous avez des camions qui sont équipés de double cabine et conduits aux écrans radar. Donc c'est assez fabuleux à voir. Et c'est des camions qui peuvent circuler dans les deux sens. Ouais, camion incendie. Ensuite, si vous avez pris le vrai tunnel routier, vous remarquerez, il y a des anneaux tous les quelques mètres, je ne sais plus exactement. Eh bien, ces anneaux, ils servent à attacher éventuellement un treuil pour désincarcérer des véhicules, puisqu'il n'y a pas de point d'accroche, si vous voyez. Donc tout ça, ça a été fait, et ce tunnel ferroviaire dans lequel on se trouve maintenant, ce tunnel historique, eh bien, il sert d'issue de secours. Hein? On s'approche de la grille. Oui. Ça fait drôle hein, de voir cette grille, on dirait aujourd'hui une porte de prison. Dans les années 90, alors que le chemin de fer était coupé, que la gare de Canfranc se languissait dans ses souvenirs, un projet de tunnel routier sous le Somport, parallèle au ferroviaire, voyait le jour, promettant inconvénients écologiques majeurs et poids lourds pressés négociant les virages de la route de montagne à toute allure. C'est à peu près ce qui s'est produit. Les manifestations en vallée d'Aspe ont été homériques et parfois violentes. Éric Pététain, emblématique opposant au tunnel routier, sur France Culture, le 28 octobre 1992. Le projet officiel est reconnu par toute la classe politique française. C'est un axe autoroutier pour Saragosse. Après, au-delà depuis Bordeaux, mais ça encore, c'est pas inscrit, mais ça existe. Donc, une autoroute Bordeaux-Valence qui s'arrêterait au pied des Pyrénées et qui se transformerait en voie rapide à 2 et 3 voies à travers la vallée d'Aspe. Donc, ils appellent rectification de la nationale 134 et jusqu'à la fin de la vallée, jusqu'au bout de la vallée. Donc, là, il y aurait 40 km de route à rectifier. Et percement d'un tunnel sous le col du Somport. Ça, c'est à l'heure actuelle, c'est ça. Mais c'est déjà énorme, ça. Je refuse viscéralement, culturellement, intellectuellement, philosophiquement, ce projet, quoi. Je trouve que c'est trop grave, que l'Occident n'a plus le droit de faire ça, qu'on n'a plus le droit de dépenser autant d'énergie et d'argent, enfin, d'énergie, pour casser la nature et gagner une heure entre Pau et Saragosse, à travers les Pyrénées, à travers une vallée étroite. C'est démentiel, quoi. Je trouve que c'est la preuve que notre société est devenue folle, véritablement folle, quoi. Qu'on est dirigé par des gens qui pensent qu'à accumuler encore plus d'argent, gagner encore plus de temps, faire circuler les marchandises encore plus vite, alors qu'on sait très bien que l'Occident est en surproduction, qu'on a des stocks partout, qu'on a des hangars pleins de bouffe, pleins d'objets, et que donc là, c'est accélérer le mal, quoi. Et en plus, c'est détruire une vallée somptueuse parce qu'elle est étroite et donc qu'elle est protégée, n'avait pas été touchée du tout par le monde industriel, par le monde moderne, quoi. Les années 90, enfin pour moi, c'était l'Arzac des années 90, hein, cette ligne transpyrénéenne occidentale. Hein, ce qui nous paraît aujourd'hui, on pourrait faire un même parallèle avec Notre-Dame-des-Landes, si on peut se permettre. C'est-à-dire qu'à un moment, on a vu des mouvements alternatifs, des gens venant de toute l'Europe, hein, pour manifester contre le tunnel routier, pour manifester pour la rouverture de cette ligne, parce qu'il ne faut pas oublier que, comme aujourd'hui, la rouverture d'une ligne, c'est un projet politique, un projet écologique, un projet autre que celui que, déjà, on nous vendait. Victor Lopez, quand vous étiez maire de Canfranc, donc côté espagnol, et qu'on vous a parlé du projet de tunnel routier doublant presque parallèlement le tunnel ferroviaire sous le col du Somport, vous avez réagi comment ? Quand le projet du tunnel routier est planté pour le gouvernement espagnol, je dis que je suis en contre du tunnel. Et j'ai fait beaucoup de manifestations et le gouvernement espagnol a passé sur moi et sur Canfranc et sur toute la population. Qu'est-ce qui a changé à Canfranc en 2003 quand le tunnel routier du Somport a ouvert ? Qu'est-ce qui se voyait comme effet ? À Canfranc, surtout, a changé le passage des camions. Et pour nous, c'est vrai que c'est un avantage pour passer, pour travailler, pour connecter avec nos voisins de la Vallée d'Aspe. Mais c'est une question de 10 minutes, 8-10 minutes seulement. Et de gain de temps. Oui, et c'est pour ça que c'est un investissement très gros et n'est pas justifié les 8-10 minutes. En attendant, on s'est accoutumé à ce que passagers et marchandises passent par la route. Bon, le tunnel routier a été inauguré avec la perspective du gouvernement espagnol qu'il y aura une autoroute par ici. À l'inauguration, j'étais à la mairie de Canfranc et j'ai dit au Parlement espagnol que l'autoroute par le Pyrénées français ne serait une réalité jamais. C'est pour ça que le tunnel routier du Somport est superdimensionné à la réalité. Ce tunnel jamais sera rentable, jamais. Le tunnel, ce sera seulement pour les voitures. Parce que le marchandise, quand le Canfranc, le train est rouvert, les marchandises passeront tout par train. Pas par la route. Il faut voir la voie de Canfranc avec une perspective très longue. C'est-à-dire, c'est l'union de Méditerranée à l'Atlantique. C'est l'union du port de Valencia et du port du Bordeaux. Et c'est pour ça que la réouverture, ce sera une réalité. Le tunnel routier sous son port a été inauguré au début de l'année 2003, un peu en douce, un peu en catimini. On n'a pas fait beaucoup de publicité sur cet événement. Rien à voir avec le faste de l'inauguration du tunnel ferroviaire à Canfranc en juillet 28. L'idée environnementale a beaucoup progressé à ce moment-là, énormément même, et ce qui apparaissait comme une espèce de panacée, on avait dit, le chantier va amener beaucoup de gens, mais non, c'était un chantier mécanisé, avec des jumbos, rien à voir avec le creusement du le chantier ferroviaire 60 ans auparavant. Rien à voir. Et puis on a dit, mais les camions, le trafic va amener des emplois. Mais on avait l'exemple de la Maurienne sous les yeux. On est allé en Maurienne. Les gens de Maurienne sont venus ici. Et on savait que ça allait être la noria de camions, l'appel d'air. Donc ce tunnel routier, très rapidement et dès avant son inauguration, a été le tunnel de l'absurde. Ceci dit, le jour de l'inauguration, tunnel de l'absurde. les politiques promoteurs du tunnel routier, en particulier Jean Lassalle, ne sont pas là pour l'inauguration. Et on avait anticipé l'absurdité de ce tunnel, elle se confirme. L'année dernière, un accident terrible au fort du Portalette, où un camion d'eau de Javel, de chlorite, tombe dans le Gave. Et le chauffeur reste coincé sous le camion, à agoniser des heures durant. Tout le monde est bouleversé. Et cet homme, c'est un homme jeune, d'une trentaine d'années. Il est de Jaca, en plus. C'est à 30 km de la frontière. Voilà, c'est la première ville espagnole. Et tout le monde est bouleversé. Et on sait qu'il y aura d'autres camions qui tomberont. Et ce que nous redoutons, c'est qu'il y ait un camion de produits toxiques qui nous transforme la vallée en Céveso. Quand est-ce qu'on pourra se rendre à Canfranc par le train depuis Pau? Alors nous, on pense à 2024. C'est la date que l'on a avancée. Mais quand je téléphone à la région Aquitaine, moi, à la personne qui s'occupe spécifiquement du tunnel de la région, le Transpyrénéen est infirme depuis l'accident spectaculaire du 27 mars 1970 qui a détruit le viaduc de l'Estanguet sur le versant français. La superbe gare internationale de Canfranc ne reçoit ni n'expédie plus que de rares tortillards qui atteignent Saragosse, 160 km plus au sud, en 3h3/4. Une seule voie accueille les autorails de la Reine Fée. Elle est noire des huiles carbonisées des motrices diesel. Juste derrière, la cathédrale ferroviaire végète. Le bâtiment voyageur, figé, a longtemps excité la convoitise de promeneurs friands de civilisations perdues, de souvenirs faciles d'accès et de trophées des temps anciens. Son accès est aujourd'hui interdit, sauf dans le cadre policier de visites guidées, très courues. Oui, à partir de 1970, à partir du moment où côté France, on n'envoyait plus de trains, la dimension internationale, la dimension de connexion, la dimension de correspondance disparaissait totalement. Et cette gare, tout discrètement, là-haut dans la montagne, elle s'est tout doucement éteinte. Hein, certains, dans la presse, parfois la presse espagnole, on lui a donné beaucoup de noms à cette gare. Hein. Aujourd'hui, on l'appelle la Titanic des Pyrénées, mais à l'époque, on l'a aussi appelée, y compris dans des articles de presse français, la Belle au bois dormant. C'est une belle au bois dormant, comme ça, qui s'est assoupie là-haut dans la montagne. Et finalement, pendant des décennies, cette gare, elle est restée voilà, dans son état. Mais au fil des années, surtout quand on est en montagne, le mouvement de ruines, d'abord discret, c'est accéléré. Hein. Je dis toujours, une maison, au départ, quand elle est vacante, quand elle est abandonnée, on ne voit presque pas visuellement son déclin, sa fermeture, sa vacance. Et puis, avec les années qui passent, avec les hivers, avec la pluie, avec la neige, avec les étés qui sont très très chauds par là-bas, au fur et à mesure, les nombreux bâtiments ont commencé à se dégrader. Cette gare de Canfranc, c'est vrai que si on se perd un petit peu dans l'imaginaire, elle peut facilement vous embarquer, vous promener, comme je disais, au mois de novembre par une soirée un peu froide. Vous pouvez vous croire complètement ailleurs, vous pouvez vous croire dans les pays de l'Est, vous pouvez vous croire en Russie, en Sibérie, je ne sais pas. C'est un peu de ça. Il y a un peu de Jack London ici dedans, quoi. Hein. Vous avez fréquenté au début de notre siècle, Pascal Desmichel, cette gare en déshérence. Oui, pour moi, ça a été un coup de cœur. C'était le plus grand espace de rêverie du monde, le plus grand espace de contemplation qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire que contempler dans une perspective, je dirais, presque mystique, un lieu hors du temps où tout est resté, où on peut déambuler, vagabonder pendant des heures et des heures en voyant presque personne, rentrer encore à ce moment-là, il y a 20 ans, dans des bâtiments où on retrouvait ces vieux escaliers, ces en bois monumentaux. Et il y a cette grandeur, cette décadence. Et finalement aussi le romantisme, déjà au XVIIIe siècle, était... Moi, je fais toujours un parallèle entre les lieux romantiques du XVIIIe siècle et ceux du XXIe siècle pour me dire qu'en somme, On recherche toujours des endroits qui sont hors du temps, comme les grands romantiques, des endroits qui aussi sont peut-être l'écho de nos sentiments, de notre propre nostalgie. Certains aiment à dire aussi qu'il est une métaphore du temps avec le temps, nous conduit tout doucement vers une forme de mort. C'est aussi une grande thématique du romantisme. On voyageait dans le temps, en quelque sorte. Il n'y manquait plus guère que des fonctionnaires à lorgnon derrière les guichets. Exactement, c'est ça, c'est ce décor. On a le sentiment que le décor est là, que les acteurs sont partis, mais presque les choses pourraient revenir. C'est ça qui peut-être fascine tant dans les lieux abandonnés. C'est l'idée que tout peut revenir, peut-être. J'ai même découvert récemment que des gens allaient faire leur photographie de mariage devant des wagons, devant ce bâtiment. Là aussi, peut-être la preuve qu'on est dans un romantisme, cette idée comme ça, des choses qui doivent... voilà, je sais pas. Oui, un symbole du romantisme, je le verrais comme ça. Vous vous appelez comment ? Jaime. Jaime Ortiz. Il y a une activité intense ce matin à la gare internationale de Canfranc. Si. Ha venido un tren herbicida. Il y a eu un train qui contenait des herbicides. Para las hierbas de la vía. Hein? Pour traiter les herbes de la voie ferrée. Mantenimiento. La maintenance de la voie. Vous êtes combien à travailler à la gare de Canfranc, Jaime Ortiz ? Cuatro. Cuatro personas. Cuatro personas. Dos turnos de trabajo, uno por la mañana, otro por la tarde. Ils font deux tours, donc en demi-journée, donc les uns le matin et les autres l'après-midi. C'est très étonnant de voir cette gare gigantesque au milieu des montagnes. Il y a des sommets à 2500 mètres à peu près autour. Et il y a deux autorails le matin, deux autorails le soir. Bueno. Las ciudades son muy pequeñas, los pueblos muy pequeños y hay muy poca gente. Entonces estaba pensado para que fuera internacional, paso con Francia. Entonces ahora solamente es un tren regional de Aragón. Alors, c'est vrai qu'à l'époque ça avait été construit pour un transit international et aujourd'hui puisqu'il n'est plus international, ça reste simplement un petit transit local et pour l'Aragon quoi, simplement pour l'Aragon quoi. Qu'est-ce qu'on va faire de la gare ? Apparemment, comme les travaux de toiture ont été réalisés, elle est sauvée. Et quelles sont les intentions des autorités ? Tiene un proyecto la Comunidad Autónoma de Aragón para hacer un hotel, sí, y urbanizar todo el entorno. Voilà. La communauté aragonaise a prévu de faire donc un hôtel et faire une urbanisation tout autour de la gare. C'est un réclamo touristique très important, sí, la station. Oui, il dit qu'effectivement, elle attire beaucoup de monde et c'est une grande réclame publicitaire pour Canfranc, cette gare. Vous croyez qu'un jour, vous enverrez des trains vers le nord, vers le tunnel ferroviaire et la France, Jaime Ortiz ? Je crois que moi-même, non. Non, parce que me quedan 10 ans pour jubilarme, je crois que 10 ans, non. Alors, il rigole et il dit que bon, il lui reste 10 ans pour de carrière à finir ici dans la gare de Canfranc et il pense qu'il n'enverra jamais un train vers la France. Más tiempo. Il faudra plus de temps. Más tiempo. Pero se abrirá. Mais il pense que ça, ils réuniront les deux pays. Ça se fera un jour. Ça se fera un jour, ouais, il pense. Les acteurs se battent pour en faire quelque chose de ce bâtiment, de ces bâtiments. Mais ça coûte extrêmement cher. Hein. On a parlé, on le sait, ne serait-ce que pour la rouverture de la ligne, donc de Bedouce jusqu'à Canfranc, on parle de plusieurs centaines de millions d'euros. Des centaines de millions d'euros. On ramène ça à quelques milliers d'habitants, même si l'enjeu il est patrimonial, même s'il peut y avoir un enjeu économique. L'enjeu, il est considérable, quoi. Et ça, c'est difficile. C'est très difficile. C'est un cas d'école pour moi, Canfranc. La culture se heurte à l'économie. Alors, nous ne parlons même pas de la poésie du lieu. Voilà, c'est vrai que l'économie, la culture, la poésie, l'amour des lieux, ça ne fait pas forcément bon ménage. Et c'est ce qui, moi, me... Voilà. On peut l'entendre, je ne porte pas de jugement, mais c'est à la fois désespérant. C'est désespérant. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, souvent, quand on me pose la question, j'aime insister sur les théories de John Ruskin, qui était un historien d'art du 19e siècle, qui insistait et qui avait, lui, une autre vision de la reconversion des lieux, et qui insistait sur le fait que peut-être ces lieux devaient rester tels qu'ils étaient, y compris acceptés. Il y a des théories qui sont comme ça. Après, cette théorie-là, elle est reprise par bien des artistes et par bien des acteurs. Rester dans leur déchéance, c'est-à-dire accepter que on ne va pas retransformer, réaffecter, reconvertir ces lieux, en se disant que c'est peut-être aussi, moi c'est mon point de vue très, très personnel et très sensible, je pense que préserver ce qui était, préserver la ruine, c'est déjà aussi coûteux de préserver la ruine, il ne faut pas l'oublier, une ruine elle évolue, et la conserver dans son état juste pour témoigner de ce qui a pu exister, justement témoigner de la grandeur du 19e siècle ou du début du 20e siècle dans ce contexte-là, c'est aussi une version, je dirais que c'est aussi un projet pédagogique, c'est un projet culturel, de dire aux gens, ceci a été, regardez, ça voulait dire quelque chose de l'Europe qui se construisait, on pourrait d'ailleurs faire le parallèle avec l'Europe d'aujourd'hui, enfin, je pense qu'il y aurait bien des moyens d'adresser des messages sur la société libérale, sur la société qui ne veut plus d'Europe, etc. Je pense qu'il y aurait des messages magnifiques, ne serait-ce qu'en conservant l'emprise de la gare de Canfranc telle qu'elle est aujourd'hui. Prochain train est à quelle heure, Jaime Ortiz, au départ et à l'arrivée? Le prochain train llega a las 12:30. Le prochain train arrive à 12h30 et je suppose en provenance de Saragosse. Donc en provenance de Saragosse, nous dit Jaime Ortiz. Sí. Muchas gracias, Jaime. De nada. Buen día. Canfranc, gare internationale d'altitude, avec Pascal Desmichel, géographe, maître de conférence à l'université de Clermont-Auvergne, Régine Péau-Gerbet, historienne, auteur de « Le Transpyrénéen en vallée d'Aspe, une construction et des hommes » aux éditions Mont-Hélios, Alain Cazenave-Piarot, géographe, président du comité pour la réouverture de la ligne Oloron-Canfranc, Jonathan Dias, ancien cheminot, explorateur de la gare de Canfranc, Maryse Bonnat, guide conférencière, Victor Lopez, ancien maire de Canfranc, Jaime Ortiz, de la gare de Canfranc. Merci à l'Office du tourisme de Canfranc et Station Internationale et à Reinhard Douté, bibliographie et liens sur franceculture.fr, coordination Christine Bernard, documentation d'actualité Catherine Ferrari et Laila Fernbach, l'archivina Sophie Enoch, une histoire particulière, François Test, Olivier Chaumel.